On a toujours, les hommes ont toujours dirigé leur regard vers le ciel. Puis depuis ce temps-là, ils ont été des créatures du bon Dieu. Puis tant qu'on va être des créatures du bon Dieu, on va être dans la merde. Parce que le bon Dieu n'existe pas. Quand les hommes dirigeront leur regard vers eux-mêmes, ils se serviront de l'intelligence et de la volonté qui est en eux. À ce moment-là, les hommes deviendront des dieux. Les hommes deviendront des êtres créateurs dans les mondes. On a toujours été le même. Fait qu'il nous a tombé de la marde sur la tête depuis ce temps-là. L'intelligence, ça vient de lui. Mais qu'est-ce que ça vient que tu peux savoir que c'est pas 10 minutes, mais c'est... T'as pas besoin de savoir. Que tu saches. Ben non. Tu saches que Joe est où. Tu le sais quand t'es intelligent que Joe est où. Quand t'es intelligent, tu sais que Joe est où. Oui, parce que quand tu... Instantanément, tu le sais. Quand on demande vraiment aux gens, tu te dis, comment ça se fait que je ne me rappelle jamais de ce que c'est que tu me dis, que tu me parles. Tu sais. C'est pas important. Mais, il nous décourage, puis il nous décourage, puis il nous décourage. Puis c'est comme s'ils prennent notre regard qui est là, là, parce qu'on est spirituel comme des veaux. Puis là, il nous tape dessus, puis il nous tape dessus. Puis éventuellement, le regard, il descend là. Quand il est rendu ici, le regard, là, tu fonctionnes. Mais au début, on a le regard là. C'est ça, c'est là que tu devais aller. C'est pour toi. Tu apprends à aller. Exactement, c'est ça. C'est ça. Écoutez-moi, t'es dit ce qu'elle dit. Ils disent qu'on a le regard en l'air parce qu'on n'a pas appris les lois d'intelligence. Si on connaissait les lois d'intelligence et de la volonté, on n'aurait jamais le regard en l'air. Moi, m'a conté une expérience. Moi, dans mes grandes souffrances, j'ai dit, si jamais tu reviens, que je te revois, j'ai dit, m'a craché dans la face. Ça, c'est textuel. Puis un soir, j'étais chez nous, puis il est arrivé sur son... Parce que quand il se promène, il arrive sur des bains de lumière, puis il s'est matérialisé. Puis la première chose que j'ai faite quand il est revenu, j'ai craché dans la face. Puis après ça, là, mon corps, là, au lieu de l'éviter, parce que le corps, quand il évite bien lentement, mon corps, il était comme ça, là, puis il s'est cogné contre le mur, bien fort. Bam! J'ai rien senti. Autrement dit, au lieu que mon esprit soit suffisamment sous la domination de la lumière pour l'éviter, parce que c'est ça qui se produit, mon corps est allé en horizontal. Paf! C'est là qu'ils n'ont jamais eu de pouvoir sous moi. Ben. C'est fini. Mais ça, c'est un jeu de l'esprit, ça encore. Comment tu le dis? Quand tu es intelligent, tu ne peux jamais te couper de l'unité. Fait que si tu dis... Mais tu te montres la fraîche, je te crache dans la face. C'est eux autres qui te font dire ça pour que tu réalises émotivement et mentalement une vibration particulière qui te donne le pouvoir dans ton esprit de te soustraire des forces de lévitation qui peuvent t'imposer par leur présence. Fait que quand il est venu au lieu de monter de même, je suis allé comme ça. Depuis ce temps-là, j'ai jamais eu de problème. Mais il faut pas que tu aies d'émotions. Il faut pas que tu aies de sentiments. Mon petit toutou, mon petit nounou. C'est pour ça que je dis qu'on est une conscience expérimentale sur la Terre et qu'il y en a très peu, il y en a un très petit nombre dans tous les pays du monde qui vont réussir à en sortir. Très peu. Parce que c'est le combat entre l'esprit de l'homme et l'astral dans l'homme. Il y en a qui vont bénéficier, si tu veux, de l'instruction mondiale, et qui vont mourir pareil. Qui vont évoluer, qui vont mourir pareil. Mais il y en a qui ne mourront pas. On parle de l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, quand tu es bien, bien conscient, c'est un être qui est aussi présent dans toi que ta pensée est réelle. Tu comprends-tu, là? Plus ta pensée est réelle, plus il est présent, toi. Fait que tu t'imagines qu'il peut être présent, maudit. Moi, dans le temps, je disais, donne-moi une preuve matérielle que t'es proche. Parce que, en tant qu'homme, puis étant dans la matière, puis étant tellement, on aime... Donne-moi une preuve matérielle. Il prenait ma table, puis il a crié ça contre le mur. Bang! Il fourrait un trou dans le mur. Je disais, t'es après à défoncer mon mur sans dessin. Il dit, demande-moi les plus. Il le faisait connaître en se servant de ton corps? En se servant de mon corps éthérique. Après défoncer mon mur. Il manque plus. Mais quand je dis qu'ils sont tous si présents en nous autres que le réel de notre pensée, si vous pouvez comprendre ça. Faut que rendu à ce point-là, de la pensée subjective ne plus. C'est de la communication. Fait que pour eux autres, de se montrer à toi, c'est bien facile. Il y a rien qu'à changer une autre vibration. T'es là, ils sont là. Mais ils te le font pas ça avant que t'aies passé une certaine étape. Sans ça, il se ferait plus de travail sur tes corps. Si l'homme verrait son ajusteur de pensée, il y aurait plus de travail sur tes corps. Parce que c'est le fait que vous pouvez pas les voir, vous pouvez les percevoir dans votre mental au niveau de la pensée, ça c'est suffisamment de présence. Mais le fait que vous pouvez pas les voir, ça vous empêche de succomber au phénomène de la foi et d'affaiblir pour toujours votre volonté et votre intelligence. Un gars qui voit son ajusteur de pensée, c'est final, il n'y a plus de volonté et plus d'intelligence. Il est... Ah! Ça intéresse l'enfant Jésus à travers son balai. C'est trop fort. Trop de sentiments. C'est évident. Tu tombes n'importe. Fait que... Il te donne, il, de temps en temps, il faut, de temps en temps, ce qu'il te donne. Il y a des gens qui ont plus d'expérience paranormale que moi, j'en ai jamais eu. Si un homme qui a vécu son expérience d'une façon totalement en dehors de la mémoire, c'est moi, parce que moi j'ai eu des expériences, puis après ça, je m'en rappelle plus. Fait que ça sert à tout. Si t'as une expérience, tu t'en rappelles plus. Comment tu ferais un progrès? Si t'en rappelles plus, tu t'en rappelles plus. Tu peux pas te rattacher astralement à ta mémoire. Il y a des gens qui ont eu des expériences puis ont de la mémoire. Fait que tu comprends, astralement, ils goûtent puis ils nagent dedans. Fait qu'ils spiritualisent. Mais c'est ça les affaires. Oh, ça fait partie de leur... Ben oui, parce qu'ils sont pas fusionnés. Fait qu'ils vivent de l'astral. Mais quand qu'eux autres rentrent en jeu avec toi au niveau de la fusion, je te dis que ce qu'ils te donnent, c'est bien mesuré, Charlie. Puis ils te le donnent, puis ils peuvent te donner des choses extraordinaires, te faire vivre des choses extraordinaires, mais ils coupent ta mémoire. Fait que si toi, tu n'as plus de mémoire, tu n'as plus rien. Moi, quand j'étais en jeu, il fallait que je mange. J'en faisais venir de la nourriture, mais j'avais plus de mémoire. Ça me servait plus. Je ne vivais plus l'expérience. Si tu n'as pas de mémoire de quelque chose, tu ne vis pas l'expérience. Après ça, ils te remettent ça 3 mois, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, la vibration est partie. Fait que tu peux pas te spiritualiser ça. Sans ça, j'aurais jamais souffert. C'est le fait qu'ils m'ont enlevé la mémoire qui me permet de souffrir. Mais un beau savoir dans ta tête, puis qu'ils te parlent dans ta tête, mais il faut qu'ils te donnent d'autres choses. Mais s'ils te donnent quelque chose, puis ils enlèvent la mémoire, tu souffres. Comment ils t'évouent, s'ils t'enlèvent la mémoire, tu souffres. Parce que t'as plus la mémoire. Puis la mémoire, ça s'enlève parfaitement. T'sais, c'est comme un. Tu sais qu'il y a le vacuum d'un verre. Tu peux enlever le vacuum d'un verre, puis le vacuum, puis le vacuum, mais tu peux continuer à l'enlever le vacuum, puis le vacuum, puis le vacuum. Jusqu'à temps que les parois du verre craquent. Tu sais. Bon, c'est le même qu'ils font. Parce que toi, tu veux penser à quelque chose, tu vas avoir une mémoire, tu peux l'avoir, mais eux autres, ils peuvent t'enlever la mémoire de sorte que tu peux pas avoir la mémoire, même de la mémoire. Fait que quand t'as plus la mémoire, de même la mémoire, t'as plus rien. C'est une expérience qui s'enregistre dans un corps. C'est enregistré. Il l'enlève. Bon, mais astralement, tu peux pas y goûter. Autrement dit, spirituellement, tu peux pas y goûter. Sans ça, tu pourras jamais développer la haine qui t'amène à vivre la volonté et l'intelligence. Tu deviendras des toutous d'eux autres. Tu deviendras encore des grands êtres spirituels puis des maîtres spirituels, et ainsi de suite. J'ai compris, oui, des gens, les grands êtres spirituels qui ont eu des expériences mystiques, qui ont tombé dans les pommes. Je comprends, qui ont tombé dans les pommes. C'est normal. Mais il est temps que l'homme arrête de tomber dans les pommes. Des fois, je dis, donne-moi une petite preuve, pas une grosse, une petite. Je dis, non. Je dis, pourquoi? Il disait, non. Je disais, t'as une tête de cochon? Il disait, oui. Il disait, les lois sont parfaites. C'est vrai qu'elles sont parfaites, les maudites lois. Fait quand tu fais quelque chose, quand il se manifeste à toi pour une raison ou une autre, c'est pas parce que tu l'as demandé. Parce que quand tu la demandes, c'est parce que tu y accordes une certaine. Si tu la demandes, c'est parce que c'est pour te soulager de ta souffrance. Il tient au bas du mur. Ils taillissent, c'est autres, hein? Ils taillissent. Je veux dire, quand ils font souffrir, là, eux autres, ils ont de la haine. La haine, c'est une expérience de l'homme. Les autres, ils sont intelligents. Seulement, leur intelligence est tellement parfaite que ça n'est fait que nous autres, automatiquement, on en fait expérience. Et le produit de ça, à cause de la volonté et de l'intelligence, mais ça se manifeste de la haine ici, parce qu'on détruit les conditions qui nous empêchent d'avoir accès à cette intelligence-là. Sans ça, on est pris dans nos sentiments, puis on peut pas l'avoir. C'est puissant, le sentiment. Vous dites qu'il faut souffrir pour transmuter. Je dis pas qu'il faut souffrir pour transmuter, je dis que l'homme qui transmet souffrira. Oui. Moi, Avant ou après, mais il faut qu'il y en ait. La transmutation, ça commence pas avec le séminaire. Ça peut commencer bien avant le séminaire. Il faut croire que j'ai été avant parce que ça a été après à un moment donné. Mais depuis ce temps-là, il y en a qui souffrent avant, mais il y en a qui souffrent après. Mais il y a de la souffrance. De toute façon, elle est vite ou pas vite. Tant qu'on est dans l'astral, on ne va pas dire grand-chose. C'est pas là, c'est d'en sortir. D'aller pas vite dans la trace, toujours dans la trace, c'est bien faible. Le point, c'est d'en sortir. J'ai 20 000 dans une journée, mais d'en faire 20 dans 4 jours, c'est 20 sacrés, là. Mais là, pareil. C'est pas important, ça. Les comparaisons, là, c'est le jeu des esprits avec les autres esprits. Comprends-tu? Comme si on se provient de l'esprit à l'autre. On va le voir, il est gros, bon, c'est tout, puis je suis là pour mesurer. C'est pas gros de l'astral. Ouais. Si on parle du jeu de l'esprit, c'est des jeux d'esprit. Tant qu'il y a des jeux d'esprit, il n'y a pas d'intelligence dans l'homme. Thank you. qu'est-ce que... En tout cas, on est du fun. Est-ce qu'un mot est toujours la créature exacte de l'énergie qui véhicule? Si un mot est la créature exacte de l'énergie qui véhicule. Un mot est toujours la créature ou la création de l'énergie qui le véhicule, mais l'énergie qui le véhicule n'est pas toujours pure parce qu'elle est astralisée. Alors, automatiquement, le mot n'a pas le sens profond de l'intelligence. Mais le mot est toujours différent de l'énergie qui le véhicule. Oui, mais elle est colorée. Le mot est exact parce que l'énergie. Puis automatiquement, tu n'as pas accès à l'intelligence qui est le produit du mouvement de l'énergie dans ton centre mental. L'énergie est là, mais l'énergie est là, mais colorée. Puis elle ne peut pas remplir la fonction que tu voudrais qu'elle remplisse. Fait que tu l'as pas le mot. Que Sirène a plus grugué le porte-crotte. Ah, c'est intéressant. De répondre. Si vous avez comme réponse. Est-ce que tu es vide? Il y a de la pensée? Hein? Ben oui, mais il y a de la pensée ou est vide? Est-ce que tu es vide ou il y a de la pensée? Ça n'est pas qu'il est vide. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre vie à vous? Le doute. Le doute. Le doute de quoi? De vous-même. Puis votre doute, il y a quelle apparence? Qu'est-ce qui crée le doute en vous? Extraordinaire parce que les gens qui sont bons, les gens évolués, ils ont des problèmes. Puis les gens qui sont réellement négatifs, ils n'ont pas de problème. Là. Ça marche. Ils tuent puis ils détruisent. Ah ouais, donc, les Kadhafi. Ils n'ont pas de doute là. Puis les gens là qui sont prêts à faire un pas, puis sont compris entre l'air et la glace. En l'air et l'eau, ils sont pas dans la glace. Ça vient tout de notre éducation. Notre éducation. Mais là, on dit populairement, ces gens-là, ils se posent pas de questions. Ouais. Ah, ils se posent pas de questions. C'est vrai, on dit. Ouais, effectivement, c'est vrai. Nous autres, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Fait qu'on doute. Mais quand on se pose pas de questions, on doute pas. Ouais, mais c'est dur de pas se poser de questions. Ou quand tu observes aussi. Moi, j'ai constaté une affaire, c'est que j'ai à peu près une constante dans ma vie, c'est qu'il n'y en a pas de constante. Je ne suis pas capable de rien observer. J'observe de quoi, ça change. Je regarde, bon, là, ça va faire un bout de là-dessus, puis ça change. Ça change tout le temps. Donc là, c'est ça. T'as plus que tu parles, là, t'es super. T'es un peu plus déconne. Ça change. C'est bon. C'est peut-être parce qu'on s'est fait dire que si on ne se poserait pas de questions, on pourrait faire des gestes qu'on vient après. Dans le cas d'être supposé, on n'existait pas, C'est comme si on s'était fait dire, si tu penses pas deux fois avant de vivre, tu vas vivre comme cas d'être. Tout revient au fait que vous n'êtes pas conscient de votre mental supérieur. Vous n'êtes aucunement conscient de votre mental supérieur. Vous êtes inconscient de votre mental inférieur. Vous ne réalisez pas que votre mental supérieur est actif derrière votre mental inférieur. Y aurait-il des points? Seulement, vous allez toujours vers le mental inférieur. Tout le temps vers le mental inférieur. Fait qu'éventuellement, le mental supérieur, il s'atrophie. C'est correct parce que moi je trouve qu'on est orgueilleux. Hein? Fait quand on est orgueilleux, on est suffisant. Comprends-tu? Moi je suis orgueilleuse. Je suis quand même orgueilleuse. Hein? Puis l'orgueil, elle a cette propriété de nous caler. On ne se sent jamais autant chien là-dessus quand on est orgueilleux. Oui, mais d'un autre côté, on se sent. Il y a deux mouvements dans l'orgueil. Il y a un mouvement dans l'orgueil qui nous descend, il y a un mouvement dans l'orgueil qui nous monte. Oui, mais tout le monde a dans le temps. D'accord, ça s'ajuste avec le temps. Mais le fait que ça nous monte, c'est déjà quelque chose. Parce que l'orgueil, dans le fond, c'est une vibration dans le mental, dedans. Oui. L'orgueil devient un défaut quand l'homme se prend pour un autre. Puis quand l'homme ne se prend pas pour un autre, l'orgueil devient de la fierté. Oui. Mais il y a peur de se prendre pour un autre. Tu sais, quand on est nous autres dans l'éducation, on a tellement peur de se prendre pour un autre. On se prend pas pour soi-même. On ne s'assure pas. On n'affirme pas ce qu'on est. On a peur. Parce qu'on n'a pas de point de référence. Puis on manque de l'existence. ça va avec la même chose. Mais c'est parce qu'on n'a pas de point de référence. Mais quand tu as un point de référence interne, qui est suffisamment clair, mais là, tu montes. C'est pour ça l'importance d'établir le dialogue avec eux autres en dedans. Parce que c'est eux autres qui deviennent notre point de référence. Parce que ce qui se produit, c'est que quand on commence ça, ils commencent à nous parler comme nous autres, on ne se parle pas. C'est là que tu commences à réaliser la différence entre eux et eux autres. C'est là que tu commences à réaliser l'intelligence. Mais les gens ne se parlent pas. Les gens sont gênés de se parler dans leur tête. Moi, je sais que si je pouvais prendre chaque personne individuellement, là, je pourrais le forcer, la communication, parce que j'ai une psychologie qui les amènerait à ça. Je ne peux pas le faire, parce qu'il y a trop de monde. Mais il n'y a pas un homme qui ne peut pas communiquer avec son agiteur de pensée. C'est impossible. Même s'il y a de l'astral, une fois que tu as montré le truc, paf. Comme elle appelle du doute. Ça va loin, son doute. Son doute est basé d'abord sur l'inquiétude, une sorte d'anxiété intérieure. Il y a une émotivité qui est toujours là. Il y a une insécurité intellectuelle qui provient du fait qu'elle a été acculturée trop rapidement. Fait que ça crée comme une congestion. Tellement de stuff, là. Puis elle est poignée avec ça. Comment est-ce que tu veux que ça parte? C'est pas qu'elle n'est pas intelligente, elle est intelligente. S'il y a une personne qui a accès facilement à l'intelligence en elle, c'est elle. Mais elle est obligée de défoncer du granit. Puis le granit, c'est quoi? C'est la crainte de ses pensées. La peur de ses pensées. Puis ça, c'est la première chose que l'homme doit détruire en lui, la crainte de ses pensées. Parce que si tu veux rentrer dans l'intelligence, tu es obligé de détruire la crainte de tes pensées. Parce qu'aussitôt que les autres commencent à te parler, ils te défont toutes tes pensées. Ils te défont toutes. Les gens ont peur de leur pensée. Tu peux pas avoir peur de tes pensées. Ils disent que la densité astrale, c'est le voile, la luminosité de la matière. La densité astrale voit la luminosité de tout. Et quand un être humain, il n'y a même pas de référence sur son temps qui vient de l'intérieur, qu'il n'y a pas la fierté de lui-même dans quelque chose qui fait matériellement. Tu sais, je comprends, mon collègue, c'est la lune, le fond là-dedans, il y a une certitude de lui quelque part là-dedans qui le pose à un moment donné. Oui, mais la sécurité ou la certitude qu'une personne peut avoir sur le plan matériel peut faire une différence avec la certitude interne. Il y a des gens qui sont bien, actifs dans leurs compétences, ça fonctionne, ils ont une compétence, mais ça veut dire, c'est bien certitude, ça fait. Pour être compétent dans le matériel, puis être compétent en dedans, t'es chanceux en maudit. Ah, les deux, là. Quand t'as les deux, t'es bien parce que tu peux amener un dans l'autre. Un te permet de nourrir l'autre. Pourquoi les deux sont difficiles? Parce que la plupart des hommes doivent être détruits dans leurs compétences pour créer un choc dans l'ego pour amoindrir l'ego, pour le descendre de l'ego. Pour que ce qui demeure le plus important pour eux au début, c'est l'affaire en dedans, c'est là que les gens spiritualisent. Là, ils sont obligés de faire un cercle over. Puis dans d'autres cas, ça n'existe pas, mais on a le docteur Arbeck, c'est un exemple. Docteur Arbeck, au niveau matériel, c'est un médecin. Comment est-ce que le monde voudrait être médecin? Un médecin. Lui, il faut qu'il fête pour l'en-dedans. Il y en a d'autres qui ont l'en-dedans, il faut qu'il fête pour l'extérieur. Puis il y en a d'autres qui ont un petit peu de l'en-dedans et de l'extérieur. Fait qu'il n'y a pas une personne. Ça se fait juste avec le temps. Ça se fait juste avec le temps. Oui. Il n'y a pas une personne pareille. Oui. cette fierté dont tu parlais, c'est... Oui, tu penses que j'allais pas aimer ça, être psychiatre? Puis avec mon papier sur le mur, j'aurais été un maudit bon psychiatre. Non. The hard way. Bientôt, quand t'aurais fait un couple, d'autres mots de temps, parce que... Alors, puis avoir des goûts, il y a une autre, parce que... Bon, moi, éventuellement, ça a devenu conscient. La thérapie dont tu parlais, c'est un certain caractère qui aide l'individu jusqu'à un certain point. C'est normal, la fierté. Parce qu'à un moment donné, aussi, tu parlais que tu ne fallait pas avoir de thérapie. J'ai jamais dit ça. Ben, je me rappelle plus de comment c'était ça, mais ça ressemblait à ça. J'ai pas de mémoire, mais je m'en rappelle. Rama, si t'es pas capable de me citer correctement, c'est pas capable d'avoir une mémoire correcte, là. Tu vas mettre le doute dans ma mémoire. C'est ça. Non, j'ai une bonne mémoire. C'est pour ça que j'ai fait. T'es tenace, Rama. T'es tenace. T'es fier. T'es pas orgueilleux. T'es fier. T'es entêté, Rama. C'est correct. Si ma chère porte de... Tu veux puis tu veux pas, tu Hercule avant Hercule. Mais ils disent que tu rentres dans la bonne direction. Qu'est-ce que c'est la nage, hein? La crainte de ses pensées et la haine de ses pensées? C'est une nuance. C'est deux clans différents. L'haine de ses pensées, c'est l'haine de penser, la souffrance. C'est à quoi l'autre? La crainte de ses pensées. La crainte de ses pensées, c'est l'inquiétude d'avancer dans des domaines qui peuvent troubler notre esprit. C'est deux plans différents. C'est extraordinaire le monde de la pensée quand c'est créatif. Moi, j'aimerais ça, là. J'aimerais ça. Rencontrer le monde. Les gens, tout ça. T'en prends un, là, tu te dis, t'en prends un autre. T'en avais des amis. Oh. Tout le monde. Ça dépend combien de temps tu consacres à la vie. Ça serait une initiative. Moi, j'ai débloqué Gisèle, ça m'a pris 5 ans. Pour l'amener à un point là, où elle pouvait se suffire à elle-même. La connaissait pas, Gisèle. Y en a-t-il qui la connaissent, Gisèle? C'est une belle fille. Hein, c'est une personne extraordinaire. Extraordinaire. Si tu n'as pas d'elle, là, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Extraordinaire comme personne. On ne sait pas, mais on le sait. Oui, c'est ça. On le sait. Ouais. On n'est pas en train de l'exprimer, mais on le sait. Elle n'a aucune vanité, elle n'a aucun orgueil. Extraordinaire. Si une personne qui aime le monde, c'est elle. Je comprends, pour répondre au téléphone à 4h du matin. Ouais. Plus elle vieillit, plus elle a joué. En tout cas, l'affaire de la haine, là... Essayez de regarder ça, puis c'est bien n'importe quoi. Mais dans le cadre de la haine consciente, ça a des répercussions dans l'homme extraordinaire. Oui, tu comprends ça, Hélène, ce que je dis, hein, Raphaël, là, hein? Au moins, qu'il y en a un qui sont. C'est bien, Raphaël. Crotte, quand il est-tu là, Crotte? Il est sourd. Il a pas ce qu'il veut. Tu comprends ça? Étais-tu là, soir? Tu viens sur l'affaire de l'aide? Oui. C'est pas mal fantastique, ça. Parce que je m'en dis quelque chose, hein? Je me fie sur bien du monde, ça paraît pas, parce que je. Mais je me fie sur beaucoup de monde. Dans vous autres. Je me fie sur du monde parce que je sais qu'un jour il y a du monde qui iront à ce monde-là pour dire mais qu'est-ce que c'est ça que se fait. Il y a du monde. Comme elle, quand elle est ici, je me fie sur elle. Et là, parce que moi, je sais que quand je vais cesser mes activités, ça va faire comme un gros vide. Puis il va falloir que ça continue. Puis ce monde-là grandisse, puis grandisse, puis grandisse, puis l'intelligence se raffine, puis la fin. C'est comme des phares. Pour moi, ces gens-là sont comme des phares. Sur l'eau, des phares. Des points de repère. Ouais, des points de repère. Puis je tiens beaucoup à ces gens-là. Pas pour moi personnellement, mais pour vous autres. Il y a des gens qui se sont donné certaines facultés pour saisir plus rapidement que d'autres certaines choses pour que plus tard ça puisse arriver. C'est pour ça quand je parle des crotos, des ci, des ça, des lèvres. Soyez suffisamment dans l'intelligence pour vous rappeler que c'est moi qui vous ai indiqué ces gens-là. Je vous ai indiqué pour des raisons qui vous serviront plus tard dans une condition, dans une autre. Si ce n'est pas vous, ce sera d'autres personnes qui passeront par vous. Chacune de ces personnes est différente. Elle, la façon qu'elle parle, c'est une vibration, puis l'autre, c'est une vibration, puis un autre, c'est une vibration, puis un autre, c'est une vibration. Puis les gens vont avancer, mais il y en a un autre qui va être une vibration. Comme vraiment, dans cette 8 ans, ça va être une autre vibration. De sorte que l'intelligence, elle se manifeste dans un éventail de personnalité pour servir plusieurs types d'individus. Retour sur une équipe. Après le temps. Différent que retour que vous êtes. Il y a moins de vanité à retour que vous êtes. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. Une grande vision des choses dans la délégation d'une énergie. Moi, quand je parle des gens comme ça, que je pointe des gens, je les pointe en relation de ce qu'ils me disent. J'imagine que comme moi je t'assieds ici, puis il me parle de croteau, il me parle d'elle, il me parle d'autres personnes. Moi je traduis simplement ce qu'il me dit. C'est pas les gens dans ma vie, c'est pas les croteaux dans ma vie. Le problème avec les hommes, c'est que les hommes ne savent pas parler des hommes. Les hommes ne savent pas donner devant les hommes la valeur de certains hommes. Parce qu'il y a toujours de la compétition devant les hommes. Parce qu'on manque d'objectivité. Manque d'objectivité. Fait que si c'est un homme qui a de la valeur, ou une femme qui a de la valeur, ou un être qui a de la valeur, l'homme qui le tient ne va pas le dire au autre, il ne va pas le laisser savoir. Automatiquement, les gens ne peuvent pas bénéficier de ça. Les gens sont toujours dans le secret de la personnalité. C'est pas bon. Si t'es conscient, tu connais la valeur d'un être, tu peux remplir des services à d'autres personnes. C'est bon que les aides le savent, le savent. C'est un problème de compétition entre les égaux, qui devient un problème de d'identité. On est plus porté à faire les camps que bon. Pardon? On est plus porté à faire les camps que bon que pour. Ouais. Parce qu'on n'a pas d'objectivité. On a peur de perdre quelque chose. C'est des raisons. C'est quelque chose de doux. Maintenant, mais si notre monde fait tout, je pense à notre pays. Il n'y a personne qui fait mon travail parce que. Sur la terre, il y a un homme qui est fusé. C'est là. C'est le monde. Mais il y a beaucoup d'hommes, d'êtres, qui sont très réceptifs à l'intelligence. Seulement la plupart des êtres reçoivent l'intelligence par le cœur. Divin. Moi, ce que je fais le temps, j'écoutais quelqu'un à la radio, là, quoi, ça fait un change à vie, là. Il disait les choses comme c'était fortement, c'était exactement, c'était changé. Ils sont dans l'intelligence. Ah oui, c'était. Montrer comment il n'y avait pas de démocratie, que ça avait l'air, que c'était juste un jeu d'opinion, que le siège les uns sur les autres, puis bon. Moi, j'écoutais, puis je faisais le fun de l'entendre. C'est ce qui fait la puissance de quelqu'un, c'est qu'il est conscient d'être conscient. Lui, il est conscient, mais il n'est pas conscient d'être conscient. J'ai envie de téléphoner pour le dire, mais tu sais, ça n'a pas été la vie. Je sais que l'avantage de réaliser qu'on est conscient. Je vais vous dire une chose. Je ne vous le dis pas parce que vous êtes ici. Je vous le dis simplement, comme on dit en anglais, for the record. Un jour, vous saurez que vous réaliserez par vous-même que vous êtes une souche, un début, une germination. La germination, elle commence au Québec pour des raisons de tout ça, mais que vous êtes une souche. Ça se répand dans le monde. Et que dans le monde, il y a des gens qui sont prêts à rencontrer cette souche-là. C'est un petit peu de même. Ginny Gagné est parti au Pérou, là. Il est parti en Californie. Ben, elle a rencontré quelqu'un, une vieille amitié de Californie qu'elle avait connue. Le bonhomme a traduit des cassettes que j'ai faites. J'en ai reçu une copie à la maison, traduite en anglais. Extraordinaire! Extraordinaire! Là, il a envoyé de ces copies-là aux Indes. Ça se promène. Ensuite, il va en avoir un en Espagne, en avoir un en Allemagne, en avoir un. Ça se promène. sais, comment. Tu sais, les arbres qui poussent, tu croches, là, puis ça forme cette espèce de vent. Des flaques, ça commence quelque part. Parce que il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui sont spirituels, qui sont sensibles intérieurement, qui ont une intelligence intérieure, qui perçoivent les choses, mais ne sont pas conscients. Savez-vous qu'est-ce que c'est être conscient? On va dire. Être conscient, c'est être conscient.